Un incendie en mer, souvenir posthume d'Ivan Tourguenieff. L'événement que je vais raconter s'est passé en 1838. Je me trouvais avec un grand nombre de passagers sur le bateau à vapeur Nicolas Ier, qui faisait le service entre Saint-Pétersbourg et Lübeck. En ce temps-là, les chemins de fer étaient encore très rares, et les voyageurs prenaient de préférence la voie maritime. Plusieurs d'entre eux emmenaient leur berline pour continuer leur route en Allemagne et en France. Je me rappelle que nous avions sur notre steamer 28 voitures de maître. Nous étions en tout environ 280 voyageurs, y compris une vingtaine d'enfants. J'étais encore très jeune, je ne connaissais pas le mal de mer, je pouvais donc me livrer tout entier aux impressions nouvelles de la traversée. Nous avions à bord beaucoup de voyageuses dont plusieurs étaient remarquables par leur beauté ou par leur grâce. Hélas, la plupart d'entre elles ne sont déjà plus. C'était la première fois que ma mère me laissait voyager tout seul, et j'avais dû lui jurer avant de partir que je serais bien sage, et surtout que je ne toucherais pas aux cartes. Malheureusement, cette promesse a été violée la première. Un soir en particulier, il y avait grande réunion dans le salon. Des joueurs bien connus à Saint-Pétersbourg s'y trouvaient. Tous les soirs, ils faisaient des parties de pharaons sans fin, et l'or, moins rare qu'aujourd'hui, sonnait avec bruit. Un de ces habitués du tapis vert, voyant que je me tenais à l'écart, ignorant pour quel motif, m'offrit de prendre part à son jeu. Lorsqu'avec la naïveté de mes 19 ans, je lui eus expliqué la cause de mon abstention, il partit d'un éclat de rire et, se retournant vers son compagnon, leur annonça qu'il venait de découvrir un prodige, un jeune homme qui ne touchait pas aux cartes et qui était prédestiné, pour cette raison, à goûter le vrai bonheur qu'est le partage des sceaux. Je ne sais plus comment cela se fit, mais 10 minutes plus tard, j'étais à la table de jeu, les mains pleines de cartes, et je jouais comme un possédé. Je dois le reconnaître, le vieux proverbe n'a pas menti. J'avais un bonheur insolent. L'argent coulait à flots vers moi. Deux tas d'or s'amoncelaient devant moi des deux côtés de mes mains tremblantes et couvertes de sueur. Le joueur qui m'avait entraîné ne cessait de m'enhardir et de m'encourager. J'avoue que j'ai cru ma fortune assurée. Tout à coup, la porte du salon s'ouvrit toute large, une dame hors d'elle-même entra en courant, cria d'une voix expirante « Un incendie !» et tomba évanouie sur le divan. L'émoi fut violent. Tout le monde s'élança de sa place. L'or, l'argent roulèrent à terre, les billets de banque volèrent dans toutes les directions et nous nous jetâmes vers la sortie. Comment n'avions-nous pas remarqué plus tôt la fumée qui envahissait la cabine? Je ne peux me l'expliquer, l'escalier en était déjà plein. Des flammes d'un rouge sombre comme celles que donne la houille faisaient ça et là des trouées. En un clin d'œil, nous fûmes tous sur le pont. Deux épaisses colonnes de fumée mêlées de feu se dressaient des deux côtés de la cheminée et le long des mâts. Il se produisit une panique terrible et sans fin. La confusion était inexprimable. On sentait qu'un instinct désespéré de conservation s'était emparé de tous ces êtres humains et de moi tout le premier. Je me souviens de m'être saisi de la main d'un matelot et de lui avoir promis, au nom de ma mère, 10 000 roubles s'il me sauvait la vie. Le marin, qui ne pouvait prendre au sérieux cette offre, se dégagea de mon étreinte. Je ne cherchais pas à le retenir, comprenant que ce que je faisais n'avait pas le sens commun. Au reste, il disparut aussitôt. Il est incontestable que rien n'est plus tragique qu'un incendie en mer ou un naufrage, mais en même temps, rien ne prête plus au comique. En voici quelques exemples. Un riche gentilhomme, affolé de terreur, se trouvait sur le plancher en se livrant à des génuflexions désespérées. Lorsque l'eau conjetée à profusion dans les ouvertures des cales à charbon domptait pour un instant la fureur des flammes, il se redressait de toute sa taille et criait d'une voix de tonnerre « Mécréant, vous avez pu croire que notre Dieu, le Dieu de la Russie, nous abandonnerait ?» Mais à l'instant même, le feu rageait avec plus de violence et le malheureux homme de foi se jetait de nouveau à quatre pattes et recommençait de plus belle ses génuflexions. Près de moi, un général, au regard égaré et sévère, ne cessait de crier. « Il faut envoyer un courrier à l'empereur !»« Nous lui avons envoyé un courrier lors de la rébellion des soldats, à laquelle j'assistais en personne, et quelques-uns d'entre nous ont été sauvés par son intervention. » Un voyageur, découvrant parmi les bagages un portrait à lui attaché à un chevalet, se mit à le lacérer. Il creva les yeux, perça le nez, les oreilles, criant tout le temps « À quoi bon tout cela, maintenant ?» Or, cette toile ne lui appartenait pas. Un homme ventru, ressemblant à un brasseur allemand et tout en larmes, hurlait d'une voix perçante, sans interruption « Capitaine, capitaine !» Quand le capitaine impatienté le saisit au collet, lui cria « Eh bien, c'est moi qui suis le capitaine, comme voulez-vous » Le gros bonhomme le regarda d'un air hébété et reprit plus fort « Capitaine, capitaine !» Nous devons tous la vie à ce capitaine. Tandis qu'on pouvait encore arriver à la machine, il fit changer la direction du bateau. Il le dirigea vers la côte au lieu de lui laisser suivre sa route sur Lübeck, car il aurait été entièrement consumé avant d'entrer dans le port. Il donna ensuite aux matelots l'ordre de dégainer et de frapper sans pitié quiconque voudrait toucher aux deux canots de sauvetage qui nous restaient encore. Les autres avaient chaviré par la faute de passagers inexpérimentés qui avaient voulu se jeter dedans. Les matelots, des Danois pour la plupart, avec leur visage héroïque et froid, et le reflet presque sanguinaire dont les flammes rougissaient leurs courtes épées, inspiraient un effroi involontaire. Le vent soufflait avec force, le bruit de la rafale s'augmentait du crépitement de l'incendie qui dévorait un bon tiers du bâtiment. Quoi que puisse en dire le sexe fort, je dois reconnaître que les femmes ont montré dans cette occasion beaucoup plus de courage que les hommes. Le sinistre les surprit dans leur lit. Elles n'eurent pas le temps de se vêtir et montèrent enveloppées seulement de couvertures et plus pâles que la mort. Bien que je fusse déjà assez sceptique, elles m'apparurent cette nuit comme des anges descendus du ciel pour nous faire honte et nous redonner courage. Il y eut cependant quelques hommes qui firent preuve d'une grande fermeté. Je me rappelle en particulier M. D., notre ex-ambassadeur à Copenhague. Il ôta ses bottes, enleva sa poitrine et son veston qu'il attacha par les manches sur sa poitrine, puis, à cheval sur un câble tendu, il fuma son cigare, en nous considérant l'un après l'autre d'un air de compassion railleuse. Quant à moi, je cherchais un abri sur l'escalier extérieur du bateau et je m'assis sur une des dernières marches. Je contemplais avec stupeur la rouge écume qui bouillonnait sous moi, m'envoyant au visage la poussière d'eau, et je me dis « C'est ici que je dois mourir, à 19 ans. » Je résolus de me noyer plutôt que de me laisser rôtir. La colonne de feu s'arrondissait en dôme sur ma tête, et je distinguais très bien le pétillement des flammes du rugissement des vagues. Au haut de mon escalier se tenait une petite vieille, apparemment la cuisinière d'une des familles qui faisait la traversée. La tête cachée dans ses mains, elle semblait murmurer des prières. Tout à coup, elle jeta un coup d'œil sur moi et me saisit la main. Avait-elle lu sur mon visage ma sinistre résolution? Elle me dit d'une voix suppliante « Mon barine, mon seigneur, personne n'est maître de sa vie, et vous, pas plus que les autres. Que la volonté de Dieu se fasse. Mais vous alliez commettre un suicide, et vous seriez puni dans l'autre monde. » Jusque-là, je n'avais pas eu la moindre envie de me suicider, mais à ces paroles, par une sorte de bravade incompréhensible dans ma situation, je feignis deux ou trois fois de vouloir mettre à exécution le dessein qu'elle me prêtait, et la pauvre vieille se penchait chaque fois vers moi pour m'empêcher d'accomplir ce qu'elle considérait comme un grand crime. Enfin, j'eus honte de cette comédie, et je cessai de l'inquiéter. Et vraiment, comment pouvais-je jouer la comédie à un moment où je voyais la mort menaçante et inévitable? Je n'eus d'ailleurs pas le loisir de me rendre compte de ces étranges sentiments, ni de m'enthousiasmer pour l'absence d'égoïsme ou d'altruisme, comme on dit aujourd'hui, dont la pauvre femme donnait l'exemple. Le rugissement des flammes sur nos têtes redoubla de fureur. Au même instant, une voix sonore comme l'air un cria « Que faites-vous là, malheureux? Vous serez perdus, suivez-moi !» Cette voix nous sauva. Sans savoir qui nous appelait, ni où nous devions aller, nous nous levâmes, la vieille femme et moi, commus par le même ressort, et nous nous jetâmes à travers la fumée sur les pas du matelot en veston bleu qui gravissait devant nous une échelle de corde. Instinctivement, je le suivis sur l'échelle. S'il s'était jeté à l'eau en ce moment, ou s'il eût commis quelque autre action insensée, je l'aurais aveuglément imité. Après avoir franchi 2 ou 3 degrés, le matelot sauta sur le haut d'une voiture dont le fond brûlait déjà. Je fis comme le matelot et la vieille femme comme moi. Il sauta sur la voiture suivante, puis sur une troisième. Je courus sur ses pas et j'arrivai ainsi à la proue du bateau. Presque tous les passagers y étaient rassemblés. Sur l'ordre du capitaine, l'équipage lança un des canots à la mer. Heureusement pour nous, celui qu'on nous avait laissé était le plus grand de tous. Nous étions échoués sans nous en être même aperçus. Alors je distinguai, par-dessus le bord opposé du steamer, la rive hérissée de rocs escarpés, la lueur de l'incendie l'éclairait à Giorno. Il y avait au moins 2 kilomètres jusqu'à la côte et je ne savais pas nager. La mer en cet endroit n'était pas profonde, il est vrai, mais les vagues étaient très hautes. Cependant, dès que mon regard eut discerné le rivage, j'eus le sentiment que nous étions sauvés. Et à la stupéfaction de tous les autres voyageurs, je sautai de joie plusieurs fois en criant « Ouah ! Ouah !» Je restai à distance du point où la foule se bousculait pour approcher de l'escalier qui donnait sur le canot. Il y avait là trop de femmes, de vieillards et d'enfants serrés les uns contre les autres. D'ailleurs, depuis que j'avais aperçu la côte, je n'étais plus pressé. Je savais que je sortirais de là sain et sauf. Je remarquai avec surprise que pas un enfant n'avait eu peur. Plusieurs d'entre eux s'étaient endormis dans les bras de leur mère. Pas un enfant n'a péri. Je me rappelle encore avoir distingué au milieu d'un groupe de passagers un général de haute stature. L'eau ruisselait de ses habits, il se tenait immobile, appuyé contre un banc posé verticalement. Il venait de détacher ce banc du bord où il était assujetti. On m'a raconté qu'au premier moment de panique, lorsque les voyageurs s'étaient jetés dans les canots qui sombrèrent, le général avait repoussé brutalement une femme qui voulait le devancer. Un matelot indigné l'avait saisi à bras-le-corps et l'avait rejeté avec violence en arrière sur le bateau. Le vieux général, honteux de ce moment de faiblesse, avait juré qu'il descendrait du bâtiment le tout dernier, après le capitaine. C'était un homme de taille élevée, au visage pâle, le front ensanglanté par une balafre. Il regardait tout le monde d'un air humilié, comme pour demander pardon de sa conduite. Lorsque je m'approchai du bord gauche du vapeur, je vis le canot de sauvetage qui dansait sur la mer comme un jouet. Les deux matelots qui le dirigeaient firent signe aux passagers pour les engager à faire le saut périlleux du bord dans la barque. Ce n'était pas facile. Le Nicolas Ier était un steamer de ligne, et il fallait sauter avec beaucoup d'adresse de cette hauteur pour ne pas renverser le frêle esquif. Enfin, je me décidai. Je me plaçai d'abord sur la chaîne de l'ancre qui était tendue à l'extérieur sur le bord du bateau. Je me disposais déjà à m'élancer lorsqu'une masse lourde et molle s'abattit sur moi. Une femme s'était cramponnée à mon cou et restait immobile, suspendue à moi. J'avoue que mon premier mouvement fut de rejeter brutalement ses mains par-dessus ma tête et de me défaire ainsi de mon fardeau. Par bonheur, je n'obéis pas à cette première impulsion. En tombant sur mes épaules, cette femme nous aurait précipités tous les deux dans la mer, si je n'avais pas eu la chance d'apercevoir un bout de corde qui se balançait devant mon nez. Je la saisis et je m'y maintins, la peau coupée jusqu'au sang. Puis je regardai en bas et je vis que ma charge et moi nous trouvions droit au-dessus du canot. Mon parti fut pris, je me laissai glisser le long de ma corde, la barque frémit dans toutes ses coutures. « Hurrah ! » crièrent les matelots. Je déposai mon fardeau sur le plancher du canot. La femme était évanouie. Je levai aussitôt les yeux sur le steamer où je vis une multitude de têtes, le plus grand nombre féminines, qui se pressaient fiévreusement le long du bord. « Sautez ! » criai-je en leur tendant les bras. Le succès de mon acte périlleux, l'assurance d'avoir échappé aux flammes, me donnait un courage et une force inexprimables. À moi seul, je reçus les 3 femmes qui se décidèrent à sauter dans le canot, et je les saisis aussi facilement qu'on cueille une pomme pendant la récolte. L'une après l'autre poussait un cri aigu en s'élançant du bord et s'évanouissait en tombant. Un individu, affolé par la peur, faillit tuer une des voyageuses en jetant dans la barque une boîte très lourde. C'était un nécessaire de voyage d'un certain prix. Sans même me demander si j'avais le droit d'en disposer, j'en fis aussitôt présent aux matelots qui, de leur côté, acceptèrent ce don sans le moindre scrupule. Nous nous mîmes aussitôt à ramer de toutes nos forces vers la rive, accompagnés de ces cris « Dépêchez-vous, ramenez vite la barque !» Quand la mer n'eut plus qu'un demi-mètre de profondeur, nous sortîmes du canot. Une pluie fine et froide tombait depuis une heure sans diminuer en rien l'intensité de l'incendie. Nous étions trempés jusqu'aux os. Enfin, nous touchâmes cette rive si ardemment souhaitée, et qui n'était qu'une large flaque de boue visqueuse où nous enfoncions les pieds jusqu'aux genoux. Notre canot repartit aussitôt et fit rapidement la navette entre le rivage et le steamer. 8 passagers périrent. L'un d'entre eux disparut dans la cale au charbon, un autre est tombé à l'eau parce qu'il était trop lourd, ayant gardé sur lui tout son argent. Ce dernier, dont je ne sais pas le nom, avait joué aux échecs avec moi la plus grande partie du jour. Il y apportait une telle fureur que le prince M, qui suivait notre partie, finit par lui dire « Vous jouez comme si votre vie en dépendait. » Les bagages et les 28 voitures furent engloutis. Parmi les voyageuses arrachées au péril se trouvait une madame J, une femme aussi gracieuse que belle. Elle avait avec elle ses 4 petites filles et leur bonne. Je la vis dans la boue, nu-pieds, les épaules à peine couvertes. Je jugeai à propos de faire preuve de galanterie, ce qui me coûta ma redingote, ma cravate et mes bottes. En outre, j'avais grimpé, non sans peine, les roches de la côte. J'avais eu la chance de trouver un paysan avec un char attelé de chevaux. Je l'avais envoyé devant moi à la rencontre des naufragés. Il jugea superflu de m'attendre et partit avec Madame J et ses enfants. Je me trouvais tout seul, à demi nu, mouillé jusqu'à la moelle, en vue de la mer où notre vapeur achevait lentement de se consumer. Je dis « achevait de brûler » car je n'aurais jamais cru qu'une pareille machine pût être détruite en si peu de temps. Ce n'était plus qu'une large tache de feu immobile sur la mer où les cheminées et les mâts projetaient leurs noires silhouettes et tout alentour les hirondelles de mer décrivaient des cercles d'un vol lourd et indifférent. Puis, une grande gerbe de cendres, semée de pâles étincelles, jaillit, dessinant une épaisse ligne courbe sur les eaux déjà moins calmes. Et c'est tout, pensais-je. Et toute notre vie aussi n'est qu'une pincée de cendres qu'emporte le vent. Par bonheur pour moi, car toute ma philosophie ne m'empêchait pas de grelotter, un autre charretier vint me chercher. Il me prit de Ducas, mais il m'enveloppa dans son manteau bien chaud et me chanta 2 ou 3 chansons du Mecklembourg qui me plurent assez. À l'aube, j'arrivai à Lübeck. J'y trouvai mes compagnons d'infortune et nous poursuivîmes notre route jusqu'à Hambourg. Là, nous trouvâmes 20 000 roubles que l'empereur Nicolas, alors en visite à Berlin, nous envoya par son adjudant. Tous les naufragés rassemblés résolurent d'abandonner cette somme aux voyageuses. Cet acte de galanterie ne nous coûtait rien, d'autant plus qu'à cette époque les Russes jouissaient en Allemagne d'un crédit illimité. Tout est bien changé maintenant. Le matelot à qui j'avais promis des sommes incommensurables s'il me sauvait la vie, vint réclamer l'exécution de ma promesse. Mais comme je n'étais point du tout sûr que ce fût le même matelot et que celui-là n'avait rien fait pour moi, je lui offris un thaler qu'il accepta avec reconnaissance. Quant à la vieille cuisinière qui avait pris tant de soin de mon âme, je ne l'ai pas revue. Mais on peut être tranquille à cet égard. Quel que soit le malheur qui l'ait frappée, qu'elle était brûlée ou noyée, elle a sa place assurée au paradis. Ainsi s'achève Un incendie en mer, souvenir posthume de Ivan Tourguenieff.